الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، continue la lecture du livre تيسير العلام شرح عمدة الأحكام du Cheikh Abdullah Al-Bassam رحمه الله تعالى. On est arrivé la semaine dernière dans le chapitre des meilleures façons de jeûner et autres. On avait expliqué la semaine dernière le 191e hadith, qui est le hadith d'Abdullah Ibn Umar radiyallahu anhuma, le hadith en rapport avec Al-Wisal, qui se propose pour le réciter. Hafid, il n'y a personne derrière vous. Qui l'a pris? Tardal Macron. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا يا رسول الله انك تواصل. قال اني لست كهيئتكم، اني اطعم واسقى. رواه ابو هريره وعائشه وانس. رواه البخاري ومسلم. ورواه أراد أن يواصل فليواصل إلى الصهار. أحسنت، بارك الله فيك. رواه البخاري ولم يخرجه مسلم. Donc on a vu que ce hadith, le deuxième, il n'est pas rapporté par Muslim dans son Sahih, et que cela est une erreur ou une inattention de la part de l'Hafid Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. طيب ونطم aujourd'hui le 192e حديث. الحديث الثاني والتسعون بعد المئة. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الذي قلت ذلك؟ فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي. قال فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر ونم وقم، وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت إني لأطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يومين. قلت إني لأطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام، وهو أفضل الصيام. فقلت إني لأطيق أفضل من ذلك. قال لا أفضل من ذلك. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية قال لا صوم فوق صوم أخي داود عليه السلام شطر الدهر، فصم يوما وأفطر يوما. رواه البخاري. Donc le 192e hadith est le hadith de Abdillah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, qui dit « Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été informé que j'ai dit cette parole. Par Allah, je jeûnerai tous les jours et je prierai toutes les nuits tant que je serai vivant. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Est-ce toi qui as dit cela ?» J'ai répondu « Oui, je l'ai dit. » « Bi abi anta wa ummi » qui est une phrase dont le sens est « Je sacrifierai pour toi mon père et ma mère au envoyé d'Allah. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors dit « Tu ne peux pas accomplir cela. » Jeûne et mange, dors et prie, et jeûne dans le mois 3 jours, car les bonnes actions sont multipliées par 10, et cela équivaut à jeûner toute l'année. 3 × 10, 30. J'ai dit, c'est-à-dire Abdullah ibn Amr ibn al-As, qui dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai la possibilité, j'ai la capacité de faire mieux que cela. Le prophète Hassan lui a dit, jeûne un jour et mange deux jours. J'ai dit, j'ai la capacité de faire mieux que cela. Le prophète Hassan lui a dit, jeûne un jour et mange un jour. Cela est le jeûne de Daoud alayhi salam. Et c'est la meilleure façon de jeûner. J'ai dit, j'ai la capacité de faire plus que cela. J'ai la capacité de faire mieux que cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas mieux que cela. Il n'y a pas mieux que cela, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et dans une version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, point de jeûne au-dessus du jeûne de mon frère Daoud alayhi salam, qui jeûnait la moitié du temps. Et le prophète a dit à Abdullah ibn Amr al-As, jeûne un jour et romps un jour. Al-ma'na al-ijmali, le son général du hadith. Anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ukhbira anna Abdullah ibn Amr aqsama ala an yasuma fala yuftir wa yaqum fala yanamu kulla umurih. فسأله هل قال ذلك؟ فقال نعم. فقال إن هذا يشق عليك ولا تحتمله. وأرشده إلى الطريق المثلى، وهو أن يصوم بعض الأيام ويفطر بعضها، ويقوم بعض الليل وينام بعضه، وأن يصوم من كل شهر 3 أيام ليكون كمن صام الدهر. فأخبره أنه يطيق أكثر من ذلك، وما زال يطلب الزيادة من الصيام حتى انتهى إلى أفضل الصيام، وهو صيام داود عليه السلام، وذلك أن يصوم يوما ويفطر يوما. فطلب المزيد لرغبته في الخير رضي الله عنه، فقال لا صوم أفضل من ذلك. Le sens général de ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été informé que Abdullah ibn Amr ibn al-As a juré qu'il jeûnerait sans rompre et qu'il prierait sans dormir toute sa vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a questionné Abdullah ibn Amr ibn al-As s'il a réellement dit cela. Il a répondu oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors dit que cela était beaucoup trop difficile pour lui et qu'il ne pourrait le supporter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a alors dirigé vers la meilleure façon de jeûner, qui est de jeûner certains jours et de ne pas jeûner d'autres jours, et de prier une partie de la nuit et de dormir une partie de la nuit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a également dirigé à jeûner de chaque mois 3 jours, afin que cela soit équivalent au jeûne de toute l'année. Siyam ud-dahr, celui qui jeûne un mois entier tous les mois, il a jeûné toute l'année. Siyam ud-dahr, quand on dit siyam ud-dahr, c'est-à-dire le jeûne continuel. Le jeûne continuel qui ne s'arrête pas. Et Abdullah ibn Amr al-As a informé qu'il avait la capacité de faire plus que cela. Et il n'a cessé de demander un surplus, de demander la possibilité de jeûner plus jusqu'à être arrivé à la limite de la meilleure façon de jeûner, qui est le jeûne de Daoud alayhi salam, qui consiste à jeûner un jour et à rompre un jour. Abdullah ibn Amr ibn al-As a demandé un surplus, car il avait la motivation à accomplir le bien, radiyallahu anhu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, il n'y a pas de jeûne meilleur que celui-ci. Ma yukhadu min al-hadith. Awalan raghbatu Abdillah ibn Amr al-As fil khayri wa quwwatihi fih, idh aqsama ala siyam al-dahri wa qiyam kulli al-layl. Ce que l'on retient de ce hadith, premièrement, la motivation de Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu à accomplir le bien, et la force qu'il avait pour mettre en œuvre cela, car il a juré de jeûner tout le temps et de prier toute la nuit. Et si Abdullah ibn As radiallahu anhu a juré de faire cela, c'est qu'il en avait la capacité physique. ثانياً معرفة النبي صلى الله عليه وسلم مدى القدرة على العمل وعاقبته إذ أخبره أنه لا يستطيع ذلك بمعنى أنه سيشق عليه وقد كان فإن عبد الله تمنى في آخر أيامه أنه لو قام مع النبي صلى الله عليه وسلم على عمل يديمه ويقدر عليه. Deuxièmement, le retenu de ce hadith, la connaissance qu'a le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la possibilité et la capacité d'accomplir un acte et aussi la connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam des conséquences de cela. Car il a informé Abdullah ibn Abd al-As qu'il ne pourrait pas faire cela. Autrement dit que cela serait trop difficile pour lui et c'est ce qui a eu lieu. Car Abdullah ibn Abd al-As, dans les derniers jours de sa vie, espérait avoir accompli, était pris de regret et espérait avoir accompli des actes et des adorations qu'il était capable de faire et surtout qui seraient continuels. Qui serait continuel. Donc c'est ce que Cheikh Al-Bassam dit, rahimahullah. Et on a dit que dans les explications de Cheikh Al-Bassam, il ajoute des fawaïd, des leçons à tirer prises d'autres hadiths. D'accord, prises d'autres hadiths. Effectivement, dans le hadith de Abdullah ibn al-As, il n'est pas cité que dans la fin de sa vie il était pris de remords et qu'il aurait souhaité faire des actes qu'il avait la possibilité de faire de façon continuelle et non pas de faire des actes en grande quantité, difficiles à accomplir, mais qui ne seraient pas accomplis de façon continuelle. Donc cela est pris d'autres hadiths et d'autres athars. ثالثا تقدير النبي صلى الله عليه وسلم العمل بقدرة صاحبه إذ قصر عبد الله أولا على ثلاثة أيام من كل شهر فلما طلب المزيد ورأى النبي صلى الله عليه وسلم فيه الرغبة والقدرة قال فصم يوما وأفطر يومين فلما أظهر الرغبة في طلب الزيادة أرشده إلى أفضل الصيام فقال فصم يوما وأفطر يوما. Troisièmement, le retien de ce hadith, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne des recommandations en fonction de la capacité de son interlocuteur. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne des recommandations en fonction de la capacité de son interlocuteur. Il a tout d'abord conseillé à Abdullah de jeûner 3 jours dans chaque mois. Puis, il a demandé un surplus. Le professeur Hassem lui a dit de jeûner 1 jour et de rompre 2 jours. Puis il a exprimé sa motivation et le professeur Hassem l'a alors dirigé à jeûner 1 jour et à rompre 1 jour. Rabi'an. إن آخر حد للصيام الفاضل هو صيام يوم وفطر يوم وهو صيام داود عليه السلام. Quatrièmement, on retient de ce hadith que la limite du meilleur jeûne est de jeûner 1 jour et de rompre 1 jour. Et c'est le jeûne de Daoud عليه السلام. C'est la limite à ne pas dépasser. خامساً, كراهة صيام الدهر لأنه مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم فصم وأفطر ولحديث لا صام من صام الأبد. Cinquièmement, on retient ce hadith qu'il est détestable de jeûner tous les jours, car ceci contredit la parole du prophète صلى الله عليه وسلم mange et jeûne et mange. Jeûne et mange. C'est la recommandation générale qu'a donnée le professeur Assam à Abdullah ibn Abd al-As. Et dans un autre hadith, le professeur Assam a dit « La sama man sama ad-dahr » n'a pas jeûné celui qui jeûne tout le temps. N'a pas jeûné celui qui jeûne tous les jours. سادسا سماحة هذه الشريعة حيث يكره فيها التعمق والتنطع ويطلب فيها السهولة واليسر لأنه أنشط على العمل وأدوم عليه. Sixièmement, le retient de ce hadith, la noblesse de cette législation musulmane. Car dans cette législation musulmane, l'exagération est détestable. Et il est demandé dans cette religion la facilité, car la facilité permet d'être plus motivé à accomplir une action et permet aussi de la faire de façon constante. Et bien sûr, l'entêtement, l'exagération, la souplesse et la facilité, comment est-ce qu'elles se définissent en islam? Comment est-ce qu'on sait que quelqu'un exagère? Qu'il exagère, comment est-ce qu'on détermine l'exagération et comment est-ce que l'on détermine la souplesse et la facilité? En sondant cela à travers le Coran et la Sunna, et non pas à travers la raison de la personne ou sa façon de penser. Car si toi, tu penses que telle chose est une exagération, l'autre peut penser que ce n'en est pas une. Donc si l'on détermine l'exagération, la facilité, la souplesse à travers la façon de penser et la raison, cela est une grave erreur. Mais l'on considère une chose exagérée parce que Allah et son prophète l'ont considéré comme exagéré. Et l'on considère une chose souple et facile, car le prophète Allah Azza wa Jalla nous ont donné les dérogations pour le faire. Est-ce que c'est une facilité pour le voyageur de ne pas jeûner? Oui ou non? C'est une souplesse. C'est une souplesse qui est autorisée et même recommandée de mettre en pratique. Pourquoi? Car l'islam t'encourage à le faire. Car beaucoup, malheureusement, ont compris les choses à l'envers. Certains vont considérer la barbe comme étant une exagération dans l'islam. Certains vont considérer le niqab comme étant quelque chose tellement exagéré que cela, qu'il n'est pas possible que cela fasse partie de l'islam. Donc ces personnes-là sont des personnes qui réfléchissent avec leur raison. Et en islam, on est des musulmans. Et le musulman est soumis. Il se soumet à Allah et à son envoyé, sallallahu alayhi wa sallam. ثم قال المؤلف رحمه الله الحديث الثالث والتسعون بعد المئة. Le 193e hadith. عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الصيام إلى الله صيام داود وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وكان يصوم يوما ويفطر يوما رواه البخاري ومسلم. Le 193e hadith est également le hadith de Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le jeûne le plus aimé chez Allah est le jeûne de Daoud, et la prière la plus aimée chez Allah est la prière de Daoud. Il dormait la moitié de la nuit, priait son tiers et dormait son sixième. Et il jeûnait un jour et rompait un jour. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. المعنى الإجمالي تقدم ذكر سماحة هذه الشريعة ويسرها فإن الذي خلق الثقلين لعبادته أحب أن يعبدوه بما يسهل عليهم بلا كلفة ولا مشقة فإن أحب الصيام إليه والصلاة ما كان النبي داود عليه الصلاة والسلام يتعبد بهما، وذلك أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان ينام النصف الأول من الليل ليقوم نشيطا على العبادة، فيصلي ثلثه ثم ينام سدسه الأخير ليكون نشيطا لعبادة أول النهار. وهذه الكيفية هي التي رغب بها المشرع الحكيم Le sens général de ce hadith. Nous avons cité précédemment la noblesse de cette législation musulmane ainsi que sa souplesse et sa facilité. Celui qui a créé les djinns et les humains pour l'adorer aime. Qui a créé les djinns et les humains pour l'adorer ? Allah Azzawajal aime qu'on l'adore en usant de ce qu'il nous a facilité de faire, sans difficulté ni bila kulfa, sans difficulté et sans, comment traduire ? Non. Kulfa, c'est-à-dire faire plus que ce qui nous est demandé. Il y a un autre mot. Ce n'est pas excès exagération, c'est un autre mot, il m'a échappé. Sans surménage, si on pourrait traduire comme cela. Sans se surmener. Allah Azza wa Jal est le meilleur jeune, le meilleur jeune aimé de lui, d'Allah Azza wa Jal, et la meilleure prière aimée de lui, Azza wa Jal, c'est le jeûne et la prière que faisait Daoud alayhi salam. Ceci, Daoud alayhi salam jeûnait un jour et rompait un jour, et il dormait la première moitié de la nuit, afin d'être en forme pour l'adoration. Puis il priait le tiers, puis dormait le sixième, le dernier sixième, afin d'être en forme pour l'adoration du début de la journée. Quelle est l'adoration du début de la journée ? Salatul Fajr. Et c'est cette façon que nous encourage de faire Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Daoud alayhi salam dormait la moitié de la nuit, priait le tiers et dormait le sixième. Donc au final, il priait combien de temps ? Non. Il dormait la première moitié, il priait un tiers, puis dormait le dernier sixième. Si on divise la nuit en six, d'accord ? On part en sixième. Il dormait la première moitié. Donc il dormait combien de sixièmes ? Trois sixièmes. Ensuite, il priait un tiers. Un tiers, c'est combien de sixièmes ? C'est deux sixièmes. Donc là, on a trois sixièmes plus deux, ça fait 5. Il reste combien de sixièmes ? 1. C'est le dernier sixième dans lequel il dormait. Donc Daoud alayhi salam, sur une nuit entière, il dormait combien de sixièmes ? 4 sixièmes. Et il priait ? Deux sixièmes. C'est ça. Il dormait 4 sixièmes et il priait 2 sixièmes. Donc, rappelez-vous, la moitié, il dormait, le tiers, il priait, et le sixième, il dormait. Et celui qui fait le qiyam de Daoud, alayhi salam, eh bien, il priera dans le moment où Allah azawajal descend dans le ciel le plus bas. Dans le ciel le plus bas. Ma yukhadu min al-hadith, ce que l'on retient du hadith. إن صيام يوم وفطر يوم هو أفضل الصيام بما فيه صيام الدهر Premièrement, on retient ce hadith, que le meilleur des jeûnes, que de jeûner un jour et de rompre un jour, est le meilleur des jeûnes, y compris le fait de jeûner tous les jours. C'est le meilleur des jeûnes, et quand on dit c'est le meilleur des jeûnes, c'est-à-dire que c'est mieux que de jeûner tous les jours. Celui qui jeûne un jour et qui rompt un jour, il a fait un meilleur jeûne que celui qui jeûne tous les jours. ثانيا إن نوم النصف الأول من الليل وقيام ثلثه وثم نوم سدسه أفضل القيام لما فيه من أخذ النفس حاجتها من الراحة أولا ثم القيام وقت النزول الإلهي ثم نوم السدس الأخير ليكون أنشط لصلاة الصبح وأذكاره. Deuxièmement, on retient ce hadith que de dormir la première moitié de la nuit, puis de prier le tiers, puis de dormir le sixième, est la meilleure façon d'accomplir la prière de nuit. Car dans cette façon d'accomplir la prière nocturne, la personne se repose premièrement. Et elle prie au moment où Allah Azza wa Jal descend dans le ciel le plus bas. Et le hadith est rapporté par Hadith al-Nuzul. Il est rapporté par qui ? Par l'imam Muslim dans son Sahih. Puis il dort le sixième, le dernier sixième de la nuit, afin d'être en forme pour la prière de Subh, mais aussi pour les rappels, pour les adhkars du Subh. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il priait la prière de Fajr, il restait jusqu'à ce que le soleil se lève. Et celui qui n'a pas beaucoup dormi la nuit peut difficilement rester éveillé en évoquant Allah Azza wa Jal jusqu'au lever du soleil. Donc celui qui dort le dernier sixième aura repris des forces qui vont lui permettre de prier le Fajr et de faire les rappels nécessaires et demandés après cette prière. Thalithan, inna al-ibadata qistun wa adl, fala yughfalu an ibadatih. ولا يغلو فيها لأن لربك عليك حقا وأهلك عليك حقا فآت كل ذي حق حقه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الشرع جاء بالعدل في كل شيء، والإسراف في العبادات من الجور الذي نهى عنه الشارع، وأمر بالاقتصاد في العبادات، ولهذا أمر بتعجيل الفطر وتأخير السحور ونهى عن الوصال، فالعدل في العبادات من أكبر مقاصد الشرع، والأمر المشروع المسنون جميعه مبناه على العدل والاقتصاد والتوسط الذي هو خير الأمور وأعلاها. Il dit, rahimahullah, que l'adoration est justice et équité. Ainsi, celui qui adore Allah Azza wa Jal n'est pas insouciant vis-à-vis de son adoration, de la même façon qu'il n'exagère pas dans son adoration. Car tu as des devoirs vis-à-vis de ton Seigneur et tu as des devoirs vis-à-vis de ta famille. Ainsi, tu dois donner à chacun son dû. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit que la législation musulmane est venue avec la justice dans toutes choses. Et l'abus dans les adorations est une forme d'injustice à laquelle est interdite par la religion. La religion nous ordonne de faire preuve d'équité dans les adorations. Pour cela que l'islam nous ordonne de précipiter la rupture du jeûne et de retarder la consommation du sahur. Car plus vite tu as rompu, plus vite tu auras repris des forces. Et plus tard tu auras mangé, mieux tu pourras supporter ta journée de jeûne. Donc, l'islam nous pousse toujours à faire les choses de la meilleure des façons. L'islam nous interdit al-wisal. Et on a vu les détails de cela dans les cours précédents. Et Cheikh al-Islam continue en disant que la justice dans les adorations fait partie des plus grands buts recherchés par la législation musulmane. Et toutes les choses qui sont légiférées sont basées sur la justice, l'équité et le juste milieu. Rabi'an, إن الله تبارك وتعالى يتعبدك بأنواع كثيرة من العبادات فإن أغلت في نوع منها تركت الباقي فينبغي إبقاء شيء من القوة لسائر العبادات كما أن العادات التي على الإنسان من معاشرة أهله وزيارة أصدقائه وطلبه الرزق في الدنيا ومحادثة أولاده ونومه إذا نوى بذلك الأجر وأداء الحقوق كانت هذه العادات عبادات ففضل الله واسع وبره كبير. Donc il dit رحمه الله Cheikh Al-Bassam en expliquant le quatrième point que l'on retient de ce hadith qu'Allah subhanahu wa ta'ala te demande de l'adorer à travers différentes façons, différentes formes d'adoration. Et si tu amplifies tes efforts dans une catégorie d'adoration, eh bien, automatiquement, tu délaisseras les autres formes d'adoration. Ainsi, tu dois garder une force, tu dois garder de la force afin de pouvoir accomplir les autres adorations. Celui qui prie toute la nuit, est-ce qu'il aura la force de faire les adorations demandées dans la journée? Non. Celui qui dort et qui prie, il aura la force physique nécessaire pour accomplir ses devoirs et les autres formes d'adoration qui sont présentes ou qui ont lieu la journée. Et Cheikh Al-Bassam dit également que les habitudes mondaines qu'a l'être humain, comme sa vie familiale, la visite qu'il fait à ses amis, le fait de travailler pour subvenir à ses besoins, parler, discuter avec ses enfants, dormir. Il dit, rahimahullah, que ces choses qui sont des habitudes que l'être humain a, qui sont des habitudes mondaines, lorsqu'il a l'intention d'être récompensé par cela, et lorsqu'il fait cela parce qu'il accomplit un devoir, alors, ces habitudes mondaines se transforment en adoration. Cela nous prouve les mérites vastes d'Allah subhanahu wa ta'ala envers ses serviteurs et cela nous montre l'immense bonté de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Le fait que tu accomplisses des choses mondaines dans lesquelles tu espères la récompense et que tu considères comme des devoirs que tu dois accomplir, eh bien, cela est considéré comme une adoration à travers lesquelles tu te rapproches de ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Autrement dit, toute ta vie est adoration. Tu adores Allah azza wa jal, tu travailles pour subvenir aux besoins de ta famille, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'ordonne de subvenir aux besoins de ta famille. Tu fais cela en espérant la récompense d'Allah, et bien tu travailles et en même temps tu adores Allah azza wa jal. Tu as un salaire ici-bas, et bi-idhnillah, tu auras une récompense dans l'au-delà. On aktafi bi-hada al-qadr, wa subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.